quand tu viens dans mes bras. Je suis fou de joie. Le soleil me monte à la tête et pour mon cœur c'est un jour de fête. J'ai choisi. Avec toi le temps n'a plus d'heure et l'amour arrête mes malheurs. J'ai choisi de t'aimer. Ma vie marchait à la traîne, heureusement je l'ai trouvée. Avec elle tout soudain c'est clair et je vivrai à ses côtés. De t'aimer.